We try to find you. Don't you think it's a beautiful place? Beautiful play for you, for me, family. Beautiful, beautiful. What a beautiful play. For you, for me. For me, visibly. The best of me. But for you. It's a beautiful place. It's a beautiful place. It's a beautiful, beautiful, beautiful. What a beautiful place. What a beautiful. What a Adam's family. Yeah. Strange. Yeah, we are. Yeah, we are. A little. Come on. Oh, un profond histoire d'être humain, de lignée. Les histoires d'amour, ça finit. Les histoires d'amour, ça finit mal en général. Place. C'est un moment. présent. le vent dans les yeux. Collectif. Le vent dans les yeux, tout seul. Seul, face à l'objectif. Perdu, sans le collectif. Seul, les yeux dans les yeux, perdu, face à l'objectif. Seul, perdu, sans mon collectif, sans mon collectif. Stella splendes ut solis labium. Stella. Tout seul ut solis. Tout seul tu es perdu. Solis, radio. Tu es perdu. Stella, Blendes. Solis, radio, c'est Claudi Popolo, Claudi, Stella, Stella, c'est où Solis? Yeah. don't ever want to fear. Take me to the take me all the way. Cette fête.